Chapitre 13. Premier pas vers la liberté. Le lendemain, un peu avant déjeuner, le général appela Madame Papowski dans le salon. Elle arriva, inquiète de la convocation, et trouva son oncle assis dans son fauteuil. Il lui fit un salut majestueux de la main. « Asseyez-vous, Maria Petrovna, et écoutez-moi. Vous êtes venue à Gromyline pour vous faire donner une partie de ma fortune. Vous avez faim la pauvreté, tandis que je vous sais riche. Silence, je vous prie, n'interrompez pas. Je ne tiens pas à ma fortune. Je vous fais volontiers l'abandon de Gromyline et des biens que vous convoitez et que je possède en Russie. Au lieu de vous en laisser la gestion pendant mon absence, je vous les donne, et je ne garde que mes capitaux pour vivre dans l'aisance avec votre sœur et ses enfants, que vous détestez, que j'aime, et qui ne songent pas, en m'aimant, aux avantages que je peux leur faire. La santé de votre sœur exige un prompt départ. Je l'ai fixé au 1er mai dans 8 jours. La veille, je vous remettrai les papiers et les comptes dont vous aurez besoin pour que tout soit en règle. J'emmène tout ce que j'aime. Je vous laisse tous mes gens. Je vous défends de les maltraiter. Et j'ai fait un acte qui arrêtera les explosions de vos colères et de votre méchanceté. Ne vous contraignez pas, ne dissimulez pas, je vous connais. Je devine ce que vous pensez et que vous croyez me cacher. Laissez-vous aller à votre joie, et surtout pas de phrases menteuses. » Madame Papowski avait voulu, bien des fois, interrompre son oncle, mais un geste impétueux, un regard foudroyant, arrêtait les paroles prêtes à s'échapper de ses lèvres, tremblantes de colère et de joie. Ces deux sentiments se combattaient et rendaient sa physionomie effrayante. Quand le général cessa de parler, il la regarda quelque temps avec un mépris mélangé de pitié. Voyant qu'il se taisait, il se leva et voulut sortir. « Mon oncle, » dit-elle d'une voix étranglée. Le général s'arrêta et se retourna. « Mon oncle, je ne sais comment vous remercier. » Le général ouvrit la porte, sortit et la referma avec violence. Il passa dans la salle à manger où l'attendaient, d'après ses ordres, Madame Dabrowine, ses enfants, Roman et les enfants Papowski. « Déjeunons, » dit-il avec calme en se mettant à table. « Ici, Natacha, à ma gauche. »« Mais mon oncle, ma tante, c'est sa place. » Le général souriant. « Ta tante est au salon, en train de digérer sa nouvelle fortune, assaisonnée de quelques vérités dures à avaler. » Natacha ne comprenait pas et regardait d'un air étonné son oncle, sa mère et Roman, qui riaient tous les trois. « Dans 15 jours, tu sauras tout, mon enfant. Mange ton déjeuner et ne t'inquiète pas des absents. » Natacha suivit gaiement le conseil de son oncle et l'entendit avec bonheur annoncer leur repas à tous ces gens. Pendant les derniers jours passés à Gromyline, il y eut beaucoup d'agitation, d'allées et de venues causées par le départ du maître. Madame Papowski parut à peine au repas et garda le silence sur sa conversation avec son oncle. Feindre était difficile et inutile. Agir et parler sincèrement pouvait être dangereux et changer les dispositions généreuses de son oncle. Ses enfants reçurent du général la défense de jouer avec leurs cousins et avec les petits d'Erigny. Mitineka et Yegor voulurent un jour enfreindre la consigne et entraîner Paul qu'ils rencontrèrent dans un couloir. Le général passait au bout avec d'Erigny et entendit les cris de Paul. Il fit saisir Mitineka et Yegor et les fit fouetter de façon à ôter à tous l'envie de recommencer. Sonushka eut le même sort pour avoir méchamment lancé une bouteille d'encre sur Natacha, qui en fut inondée et dont la robe fut complètement perdue. La veille du départ, le général remit à Madame Papowski, sans lui parler, un portefeuille plein de papiers qu'il lui avait annoncé. Elle le reçut en silence et s'éloigna avec sa proie. On devait partir à 9 heures du matin. Le général, pour éviter les adieux des Papowski, leur avait fait dire qu'il partait à midi après le déjeuner. Avant de monter en voiture, le général rassembla tous ses gens, leur annonça qu'il leur avait donné à tous leur liberté, et il remit à chacun 500 roubles en assignat. La joie de ces pauvres gens récompensa largement le général de cet acte d'humanité et de générosité. Après leur avoir fait ses adieux, il monta dans sa berline avec sa nièce, Natacha, et M. Jackson. Dans une seconde berline se placèrent Mme d'Hérigny, Alexandre, Michel, qui avaient demandé avec insistance d'être dans la même voiture que Jacques et Paul. Sur le siège de la première voiture était un feltiègre, une espèce d'agent de police qui accompagne les voyageurs de distinction à leur demande pour leur faire donner des chevaux sur la route, des logements et ce dont ils ont besoin. Et un domestique. Sur celui de la seconde était d'Hérigny. Les poches des voitures et des sièges étaient garnies de provisions, précautions nécessaires en Russie. Le départ fut grave. Le général éprouvait de la tristesse en quittant pour toujours ses terres et son pays. Le même sentiment dominait Madame d'Abrovine. Le souvenir de son mari lui revenait, plus poignant que jamais. Natacha regardait sa mère et souffrait de ce chagrin dont elle devinait si bien la cause. Romane tremblait d'être reconnue avant de passer la frontière et de devenir ainsi une cause de malheur et de ruine pour ses amis. Il avait passé par les villes et les villages qu'on aurait à traverser pendant plusieurs jours, mais à pied, traînant des fers trop étroits, dont le poids et les blessures qu'ils occasionnaient faisaient de chaque pas une torture. Il est vrai que, mêlé à la foule de ses compatriotes transportés en Sibérie, il avait pu ne pas être remarqué, ce qui diminuait de beaucoup le danger. Il sentait aussi la nécessité de dissimuler ses inquiétudes pour ne pas causer au général et à Madame d'Abrovine une agitation qui aurait pu éveiller les soupçons du feltiègre. « À quoi pensez-vous, Jackson ?» lui demanda le général, qui avait remarqué quelque chose des préoccupations de Romane. « Je pense au feltiègre, monsieur le comte, et à l'agrément d'avoir un homme de police à ses ordres pour faciliter le voyage. » « Et vous avez raison, mon ami, plus raison que vous ne le pensez. C'est une protection de toutes les manières, quand il sait qu'il sera largement payé. » Le général avait appuyé sur chaque mot en regardant fixement son jeune ami, qui le remercia du regard et chercha à reprendre sa sérénité habituelle. « Maman, entendez-vous les rires qu'ils font dans l'autre voiture ?» s'écria Natacha. « Quel dommage que nous ne puissions être tous ensemble. » Madame d'Abrovine. « Au premier relais, tu pourras aller rejoindre Madame d'Hérigny et tes frères, cher enfant. » Natacha hésita un instant, secoua la tête. « Non, dit-elle, je veux rester avec vous, maman, et avec mon oncle. » Les éclats de rire et les chants continuaient à se faire entendre. C'était Alexandre et Michel qui apprenaient à Jacques et à Paul des chansons russes, que ceux-ci écorchaient terriblement, ce qui excitait la gaieté des maîtres et des élèves. Mais ce fut bien pis quand Madame d'Hérigny se mit de la partie. Jacques, Paul, Madame d'Hérigny rivalisaient à qui prononcerait le mieux, et Alexandre et Michel se roulaient à force de rire. D'Hérigny cherchait de temps en temps à les faire taire, mais les rires redoublaient devant ces signes de détresse. « Vous allez tous nous faire gronder par le général, » leur dit D'Hérigny. Alexandre et Michel se penchant à la glace ouverte. « Pas de danger, mon oncle aime la gaieté. » Jacques et Paul se penchant à l'autre glace. « Le général ne gronde jamais quand on rit. » Madame d'Hérigny par la glace du fond. « Tu fais un croque-mitaine de notre bon général. » Toutes ces têtes aux trois glaces de la voiture parurent plaisantes à d'Hérigny qui se mit à rire de son côté. En se rejetant dans la voiture, les cinq têtes se cognèrent, chacun fit « Ah !» et se frotta le front, la joue, le crâne. Tous se regardèrent et se mirent à rire de plus belle. Les voitures gravissaient une colline dans un sable mouvant. Les chevaux marchaient au pas. Ils s'arrêtèrent tout à fait. La portière s'ouvrit, Natacha et Romane y apparurent. Le visage de Natacha brillait de gaieté par avance. Romane souriait avec bienveillance. Natacha. « Qu'est-ce qui vous amuse tant? Maman et mon oncle font demander de quoi vous riez. » Alexandre. « Nous rions parce que nous nous sommes tous cognés et que nous nous sommes cassés la tête. » Natacha souriant. « Cassé la tête? Et vous riez pour cela? Et vous aussi, ma bonne Madame d'Hérigny? » « Oui, mademoiselle. Mais avant, il faut dire que nous avions pris une leçon de chant qui nous avait fort égayés. » Natacha. « De chant? Qui donnait la leçon? Qui la prenait? » Madame d'Hérigny. « Nos maîtres étaient messieurs vos frères. Les élèves étaient Jacques, Paul et moi. Oh, comme j'aurais voulu l'entendre, que cela devait être amusant. Monsieur Jackson, mon beau monsieur Jackson, allez, je vous prie, demandez à maman que j'aille avec eux. Romane sourit et alla faire la commission. Madame d'Abreuvine. Mais, mon cher monsieur Jackson, ils seront trop serrés. Et pourtant, ils ne peuvent pas rester dans cette berline sans madame d'Érigny. Jackson souriant. Mademoiselle Natacha en a bien envie, madame. Nous sommes bien graves pour elle. Madame d'Abreuvine. Que faire, mon père? Faut-il la laisser aller? Laisse-la, laisse-la, cette pauvre petite. Comme dit Jackson, nous sommes ennuyeux à pleurer. Allez, mon ami, allez lui dire que nous ne voulons pas d'elle et que je lui ordonne de s'amuser là-bas. Jackson s'empressa d'aller porter la réponse. Merci, mon bon monsieur Jackson, merci. C'est vous qui m'avez fait gagner ma cause. Je l'ai bien entendu. Attendez-moi tous, je reviens. Natacha courut à la première berline, leste comme un oiseau. Elle sauta dedans, embrassa sa mère et son oncle. « Je ne serai pas longtemps absente, dit-elle. Je vous reviendrai au premier relais. » Le général. « Non, reste jusqu'à la coucher, cher enfant. Je serai content de te savoir là-bas, gaie et rieuse. » Natacha remercia, sauta à bas de la berline, courut à l'autre. Avant de monter, elle tendit la main à M. Jackson. « Soignez bien maman, dit-elle, et si vous la voyez triste, venez vite me chercher. Je la console toujours quand elle a du chagrin. » Les portières se refermèrent et les voitures se remirent en marche. Natacha essaya de s'asseoir sans écraser personne, mais de quelque côté qu'elle se retourna, elle entendit un « aïe » qui la faisait changer de place. « Puisque c'est ainsi, dit-elle, je vais m'asseoir par terre. » Et avant qu'on eût pu l'arrêter, elle s'établit par terre, écrasant les pieds et les genoux. Les cris redoublèrent de plus belle. Natacha riait, cherchait vainement à se relever. Les quatre garçons la tiraient tant qu'ils pouvaient. Mais comme tous riaient, ils perdaient de leur force. Et comme Natacha riait encore plus fort, elle ne cédait pas du tout. Enfin, madame d'Érigny lui venant en aide, elle se trouva à genoux. C'était déjà un progrès. Alexandre et Jacques parvinrent à se placer sur le devant de la voiture. Alors Natacha put se mettre au fond avec madame d'Érigny et Paul entre elles deux. On ne fut pas longtemps sans éprouver les tortures de la faim. D'Érigny leur passa une foule de bonnes choses qu'ils mangèrent comme des affamés. Leur gaieté dura jusqu'à la fin de la journée. On s'était arrêté deux fois pour manger. Dans le village, où on dînait et où on couchait, Jackson reconnut une femme qui lui avait témoigné de la compassion lors de son passage avec la chaîne des condamnés et qui lui avait donné furtivement un pain pour suppléer à l'insuffisance de la nourriture qu'on leur accordait. Cette rencontre le fit trembler. Puisqu'il l'avait reconnue, elle pouvait bien le reconnaître aussi et allait le dénoncer. Il épia les regards et la physionomie triste mais ouverte de cette femme. Elle le regarda à peine et ne parut faire aucune attention à lui pendant les allées et venues que nécessitaient les préparatifs du repas et des chambres à coucher. Madame d'Abreuvine, Natacha et madame d'Érigny s'occupèrent de la distribution des chambres. Elles soignèrent particulièrement celle du général. On dîna assez tristement. Chacun avait son sujet de préoccupation et la gravité des parents rendit les enfants sérieux. La nuit fut mauvaise pour tous. Les souvenirs pénibles, les inquiétudes de l'avenir, les lits durs et incommodes, l'abondance des tarakanes, affreux insectes qui remplissent les fentes des murs en bois dans les maisons mal tenues, tous ces inconvénients réunis tinrent éveillés les voyageurs. Sauf les enfants, qui dormirent à peu près bien.